na na na da da da na na na na na na da da da da da da da. Et il manque des pistes. Putain, sont où les pistes? Et on la met. Attends. Cool. Pourquoi tu entres pas avec nous dans le serveur? Ce sera plus drôle. Attends, putain, pourquoi j'arrive pas là? Bah non, on est tout seul, il y a que nous deux. Bon, c'est pas carré, mais on s'en fout. Il y en a qui lèvent des gosses au fond des HLM. Il y en a qui roulent leur bosse du Brésil en Ukraine. Il y en a qui font la noce du côté d'Angoulême. Et il y en a même qui mêlent et tu sais pas te brancher. Bon, essayons, essayons. Tu n'as pas... C'est pas carré, c'est vrai. Comment ça tu sais pas te brancher là? Tu es déjà branché puisque tu arrives à nous parler. Je suppose meilleur que moi. En tout cas, enchanté. Et bienvenue. Y en a que les dégosses. Allez, c'est parti. Je commence à 1. Je laisse tourner le truc. Hein. Je te préviens. Y en a qui font la noce du côté d'Angoulême. Moi aussi, je suis bassiste. Des fois. Ouais, c'est dur ta chanson. Hein. Il y en a qui élèvent des gosses au fond des HLM. Il y en a qui roulent leur bosse du Brésil en Ukraine. Il y en a qui font la noce du côté d'Angoulême. Et il y en a même qui militent dans la rue avec tract et banderole. Il y en a qui en peuvent plus de jouer les... Tu m'as perturbé, parce que moi je la connais cette chanson. Je l'ai chantée devant 400 personnes. Non, elle est bien celle-là. Bah t'as qu'à pas chanter, tu joues. J'arrive pas. En Normandie, ah. Vive le BB. La BNB. Il y en a qui est là. Bon, je recommence ou je recommence pas? Tu m'as cassé. T'as une musique en fond, sans parole. Ta-ra-ta-ta, c'est ce que je vais finir par faire. Ouais. Mais j'arrive pas à poser une musique dans mon putain de truc. Là. Je crois que je vais retourner sur Reaper, ce sera peut-être plus simple. Mais Reaper ne marche pas sur mon Mac. C'est qui Al Fou? Oh, les fous. Oh, il y a T qui est pas loin, il est où T? Non, j'ai arrêté. J'arrive pas. I love you, baby. La la la la la la. I love you, baby. La la la la la la. I love you, baby. Da da da da da da. Jean-Jacques. Je parle à Jean-Jacques. C'est marrant, il y a des gens qui entrent dans le truc et on les voit même pas arriver. C'est quoi ça? Jean-Jacques, es-tu toujours là? Ah, cool. 1, 2, 3. C'est marrant de parler à quelqu'un qui est invisible. Donc, tu dis que tu sais pas te brancher. Déjà, sur quel système es-tu? Sur... Tabac ou sur Reaper? Bah, ça me saoule. Et quel genre d'ordinateur tu as? Mac, PC? Donc. Est-ce que tu as été regarder le tutoriel sur internet? Bon, allez. Désolé Ben, moi, je sais pas comment parler à ce monsieur depuis ailleurs que dans un serveur. Ok, HP portable. Moi j'avais pareil. Par contre, moi mon Jamba il marchait pas. Bref. Alors, tu vas sur un tutor sur YouTube. Normalement, ta carte son. Attends, que je réfléchisse. Avant, quand j'avais mon HP. C'est pas grave, ça me dérange pas du tout. Carte son. Tu as machin for you là. Je sais plus. Ah oh, zut. tu te rappelles Ben de la carte son? C'était for you là, je sais plus quoi. Ça va me revenir. Ma vieille.